Ganino. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Nous sommes le 8 juillet 2019. Voici les grands titres de cette édition. Un homme escroc qui se faisait passer pour un chirurgien à l'hôpital de référence de Ngozi est sous les verrous depuis ce dimanche au cachot de la police judiciaire de Ngozi. Notre correspondant nous donne les détails dès le début de ce journal. Il se tient à Bujumbura depuis ce lundi, la 26e session des forces en attente dans la région de l'Afrique de l'Est. 10 pays y participent. Le directeur général des forces, de ces forces en fait une évaluation. Lancement officiel ce lundi à Gatumba dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura du projet de renforcement des capacités et assistance aux populations touchées par les catastrophes naturelles et les réfugiés qui retournent au pays. Et le sélectionneur des Inhamba Murugamba, l'équipe nationale de football burundi, explique l'échec de cette équipe à la CAN par le manque d'expérience. Et en actualité internationale, la Cour pénale internationale rend son verdict contre Bosco Ntaganda ce lundi 8 juillet. Voilà pour les grands titres. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, un homme qui se faisait passer pour un chirurgien à l'hôpital de référence de Ngozi est sous les verrous depuis ce dimanche au cachot de la police judiciaire de Ngozi. Comme le précise le directeur de cet hôpital, Elin Chimirimana, cet escroc demandait de l'argent aux patients en leur promettant de les mettre sur la liste des urgences à opérer. Son dossier a été déjà transféré au parquet selon la police pour la suite des enquêtes. Les précisions d'Apollinaire Muzagara. Selon le médecin directeur de l'hôpital autonome de Ngozi, les premières traces de cet homme ont commencé lorsque des patients sont venus se plaindre dans son bureau. Ces derniers disaient avoir payé de l'argent pour figurer sur les urgences à opérer, mais ils déplorent qu'ils venaient de passer un bon bout d'autre. Docteur Guillaume Nhaokiligayo leur a demandé le reçu sur lequel ils ont payé cet argent, mais en vain, d'où le début des enquêtes, enquêtes qui ont abouti à l'arrestation d'Elin Chimirimana, non figurant sur la carte nationale d'identité, qui serait fausse selon la police. Cet homme, originaire de la commune Nega en province Kirundo, aurait comme vrai nom Gabriel Ligamihimana, selon toujours la police d'Ongoze. D'après le médecin d'état de cet hôpital, cet homme maîtrisait bien son milieu car il avait été hospitalisé quand il était en détention à la prison pour hommes d'Ongoze. Il figurait d'ailleurs sur la liste de ceux qui ont récemment bénéficié de la grâce présidentielle. Ces jours-ci, selon toujours cette autorité, Gabriel ou Eli sillonnaient à tout moment différents services pour se familiariser avec des patients. Il faisait des consultations en demandant de l'argent à ces derniers. Le directeur de cet hôpital de référence envisage de renforcer des mesures de sécurité en vue de faire face à d'autres escroqueurs. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganir. Merci Apollinaire. Il se tient à Bujumbura depuis ce lundi jusqu'au vendredi la 26e session des forces en attente dans la région de l'Afrique de l'Est. L'objectif de cette session, qui abrite 10 pays, est d'évaluer l'état d'avancement des directives qu'il s'était fixées lors de la dernière session qui s'est tenue en décembre 2018 à Khartoum, au Soudan, comme le précise Dr Abdullahi Omar Bour, directeur général de ces forces. Le conseil d'abord se fait en trois niveaux. Aujourd'hui, c'est le premier niveau qui est le plus important, c'est le niveau des experts. Parce que les experts, c'est eux, ensuite, qui vont donner des conseils, des directives bien précis aux chefs d'état-major qui vont faire la réunion le mercredi prochain. Ensuite, la réunion des chefs d'état-major sera suivie le vendredi prochain par la réunion de ministres. Donc ce sont des réunions qui vont se faire par cascade. C'est très important de comprendre. C'est comme si on faisait une construction d'une maison. Aujourd'hui, c'est la fondation même de ces trois réunions qui vont avoir lieu. C'est quoi maintenant l'objectif? La dernière fois qu'on a eu une réunion, c'était en décembre dernier à Khartoum, au Soudan. On nous avait donné des directives, de conseils. Et aujourd'hui, après 6 mois, nous sommes en train de rendre des comptes au conseil, de leur expliquer jusqu'à quel niveau nous avons engager l'institution pour répondre aux directives qui nous ont été données. Je peux d'ores et déjà dire que l'institution se porte bien, que l'organisation se porte bien, que la majorité des activités que nous allons débattre aujourd'hui, nous sommes en progrès. Nous sommes la moitié de l'année, nous sommes à peu près à 50% de nos activités programmées sur l'année. Et ensuite, à partir de là, nous allons ensuite recruter de nouveau. Et aussi, ce sera mercredi, ce sera le recrutement de nouveau. C'était Dr Abdoulaye Omar Bourg, directeur général des forces en attente dans la région de l'Afrique de l'Est. Lancement officiel ce lundi à Gatumba dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura du projet de renforcement des capacités et assistance aux populations touchées par les catastrophes naturelles et les réfugiés qui retournent au pays. Isidore Niramheba, secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures, dit que ce projet vient appuyer les initiatives du gouvernement de faire face à ces catastrophes. Le projet s'élève à 1 million de dollars américains. Suivez-le. C'est un projet qui vient à point nommé parce que à travers ces trois axes, à savoir la lutte et la prévention contre l'épidémie d'Ebola qui sévit de l'autre côté en RDC, pas seulement d'ailleurs l'Ebola, vous savez même que le choléra est aussi un problème de temps en temps ici dans la plaine de la Rusizi. Et donc ce projet va appuyer les efforts du gouvernement dans la prévention des crises liées à ces épidémies. Mais aussi, ce projet appuiera également les efforts du gouvernement dans l'accueil et la réinstallation des rapatriés. Comme vous le savez, ces jours-ci, le gouvernement, avec ses partenaires, sommes en train d'accueillir des rapatriés qui avaient quitté le Burundi et qui ont besoin d'une réinsertion socio-professionnelle. Donc, ce projet appuiera également les efforts du gouvernement et de ses partenaires dans l'accueil et la réinsertion des rapatriés. Sans oublier aussi que le Burundi fait face de temps en temps aux catastrophes naturelles qui causent des mouvements de déplacement, qui causent justement des déplacements forcés, parfois des morts. Ce projet appuiera également la plateforme nationale qui est activement impliquée dans la prévention mais aussi dans la lutte de ces catastrophes et des conséquences qui en résultent. Le gouvernement japonais a appuyé le gouvernement du Burundi à hauteur d'un million de dollars et son financement passe par son partenaire principal qui est l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Tous les services du gouvernement qui ont un rôle à jouer sur ces trois axes seront partenaires à ce projet. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Cinq personnes, deux hommes et trois femmes, tous de Gachacha en commune et province Rumonge, sont dans les mains de la police judiciaire de Rumonge depuis ce lundi matin. La police les accuse de produire et de commercialiser une boisson prohibée appelée Kanyanga. Leur arrestation est intervenue après une fouille et perquisition à l'issue de laquelle 2250 litres de cette boisson ont été versés. La police a également saisi plusieurs objets servant dans la production, la conservation et la commercialisation de cette boisson. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, les habitants du village de Pédechanga de la commune Ouigan, province Karouzi, s'indignent du manque d'eau dans ce village. Ils disent qu'ils réclament cette eau depuis une dizaine d'années. L'administrateur communal de Bouhiga confirme que l'UNICEF leur a promis l'adduction d'eau à partir d'une autre colline et précise aussi qu'une partie du matériel est sur place. Blaise Pascal Kararoumi. Ces habitants du village de paix de Changa de la commune Ouiga, province Karoussi, disent qu'il y a une dizaine d'années qu'ils sont dans ce village. Ils affirment que c'est depuis cette même période qu'ils réclament l'eau dans ce village, mais en vain, malgré les promesses des autorités respectives de cette commune, celles de la province et même des parlementaires. Réitérant les réclamations ce samedi lors d'une réunion de redevabilité du conseil communal de Bouhiga, les responsables de cette colline Changa expliquent que le manque d'eau dans ce village de paix est la raison majeure qui explique que certains des propriétaires de ces maisons n'ont pas pu les occuper et restent vides. L'administrateur communal de Bouhiga affirme fonder les réclamations de cette population. Ephrasina Karutimana explique qu'il y a un projet de l'UNICEF qui alimentera ce village en eau et dit que ce projet date de 2015 et a été suspendu lors de cette période et qu'il va bientôt reprendre. Il indique que ce projet concerne l'adduction d'eau de la colline de Chigati qui est proche de cette colline de Changa et signale qu'une partie du matériel nécessaire est déjà sur place. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumier pour Radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal. Des immondices sont entassés tout près du caniveau séparant la zone Nyakabiga de la zone Guiza, mairie de Bujumbura, menace la santé de la population vivant dans ces environs. Certains riverains de cette localité déplorent que la descente faite par le ministère de la Santé n'ait pas été suivie d'actions concrètes et demandent que ces saletés soient déplacées de cet endroit afin de protéger la population contre d'éventuelles maladies. Le constat de Vestine Boutoui. Ces immondices se trouvant tout près du caniveau séparant la zone Ebuiza de la zone Nyakawiga sont devenues beaucoup nombreuses de sorte que les touches et les murs des maisons situées à cet endroit. Quand le vent souffle et tend à son niveau, on est obligé de boucher le nez à cause d'une mauvaise odeur qui s'y dégage. Des riverains de cette localité disent que la multiplication des déchets à son niveau est due au fait que certains habitants du Diantroa considèrent ce lieu comme un dépotoir. Cependant, ce qui est étonnant pour eux, ils expliquent que c'est que la descente effectuée par la mairie de Bujumbura, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, en date du 17 juin de cette année, n'a rien changé. Ils craignent pour leur santé et pensent que les maladies des mains sales, notamment le choléra, la diarrhée ainsi que les maladies liées à la respiration d'une mauvaise odeur pourraient les surprendre si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Au moment où ces riverains de la localité menacés par ces immondices demandent l'enlèvement de ces dernières, la mairie de la ville de Bujumbura fait savoir que le retard d'enlever ces immondices est causé par l'indisponibilité des camions, mais que pendant cette semaine, ces immondices seront évacués de cet endroit. Merci Vestine Boutoui. Et certains habitants de la zone Nyakawiga, mairie de Bujumbura, disent être satisfaits de la collecte des déchets faite une fois le mois par l'entreprise BCO. Mais ils déplorent toutefois que dans la convention, la collecte devrait se faire deux fois le mois. Ils demandent aux concernés de multiplier des réunions pour faire régulièrement des évaluations. Ornella Mucho. Dans différents ménages de la zone Nyakawiga, s'observe la propreté. Il y a également, dans d'autres parties de cette zone, où l'on fait le compte des agents de l'entreprise Bicico qui font la collecte des déchets ménagers. Certains habitants de cette zone font savoir qu'ils payent 3000 francs par mois et la collecte se fait deux fois par mois. Mais il y a d'autres qui précisent que l'enlèvement de ces ordures se fait juste une fois le mois. Ces gens dont la collecte se fait une fois par mois demandent à l'entreprise Bicico de respecter la convention de la collecte des ordures deux fois par mois. Le chef de recouvrement d'entreprise Biseco en zone Nyakawiga souligne que l'enlèvement se fait une fois le mois au moment où les camions sont seulement en panne. Odasinagila promet une amélioration dans la collaboration entre les habitants de cette localité ainsi que les administratifs. Merci Ornella Mucho. Je précise que l'entreprise s'appelle Biseco et non BCO comme je le disais. Le budget de certains ministères a été revu à la hausse au cours de cette année budgétaire 2019-2020 sur un budget de plus de 1327 milliards de francs burundais, les recettes fiscales étant de plus de 850 milliards de francs burundais. Mireille Kanyangé revient sur ce budget. La loi budgétaire 2019-2020, promulguée le 30 juin de cette année, montre que les ressources sont évaluées à plus de 1327 milliards de francs burundais, les dépenses évaluées à plus de 1516 milliards de francs burundais, avec un déficit budgétaire de plus de 189 milliards de francs burundais. Comparant les budgets de quatre ministères sur cette année et celle précédente, à titre illustratif, le ministère de la Santé publique se voit allouer un budget de près de 170 milliards de francs burundais avec plus de 92 milliards de ressources naturelles et plus de 77 milliards de francs burundais comme ressources extérieures. Son budget au cours de l'année précédente, 2018-2019, s'élevait à plus de 88 milliards de francs burundais. Au ministère de l'Éducation, le budget est passé de plus de 247 milliards de francs burundais à près de 270 milliards de francs burundais avec un investissement de plus d'un milliard de francs burundais. Du côté du ministère burundais de l'hydraulique, énergie et mines, le budget pour cette année est de plus de 43 milliards contre plus de 24 milliards. Au ministère de l'Environnement, agriculture et élevage, le budget est de plus de 35 milliards alors qu'il était de plus de 29 milliards l'année budgétaire précédente. Le taux d'indépendance budgétaire pour cette année 2019-2020 est de 84,6%. Merci Mireille Kenyangé. L'octroi des permis de conduire se fait dans la transparence. S'en réjouit le commandant de la police de roulage et sécurité routière, OPSA 1, Roger Bangibiguira, qui regrette cependant que des contrefacteurs font croire qu'ils ont des relations avec la police de roulage pour dérouter la population. Il fait savoir que l'obtention de permis de conduire se fait après passation de tests théoriques et pratiques. Ces derniers jours, des informations ont circulé faisant état des actes de corruption qui caractériseraient l'octroi de permis de conduire. Je voudrais apporter un démenti formel qu'il n'y a pas de permis de conduire octroyé sur des bases frauduleuses, que l'octroi de permis de conduire ne souffre d'aucune irrégularité. La procédure d'obtention de permis est suivie scrupuleusement. Les tests organisés à cet effet, qu'ils soient théoriques ou pratiques, sont administrés selon les normes et standards prescrits par les textes qui nous régissent. Et tout se passe sous la supervision étroite de la hiérarchie. On a même fait un pas supplémentaire là où les demandeurs de permis en obtiennent dans les 72 heures qui suivent la passation. Un peu de mots en cette matière, le service est clean. Mais il y a un fait, il y a la contrefaçon. La contrefaçon est un fléau qui n'épargne aucun service. Aucun document, même le plus sécurisé, n'y échappe. Il y a donc des réseaux de contrefacteurs qui produisent et distribuent de faux permis. Vous avez été témoin lorsque le service de la communication du ministère a exposé à la presse des membres d'un réseau avec des permis contrefaits saisis sur eux, mais aussi avec une machine qu'ils utilisent pour les produire. Alors, ces réseaux existent. Il est vrai qu'on procède à leur démantèlement, mais on reste prudent pour déclarer qu'on est au bout de leur action. Et les réseaux de distribution de ces faux permis ne manquent pas de citer nos services pour faire croire à leurs victimes à une certaine authenticité de ces faux documents qu'ils leur donnent. Il y a aussi des escrocs qui prennent de l'argent à des gens leur promettant des permis de conduire. Une promesse qui n'est jamais tenue. Et on apprend la chose lorsqu'ils viennent se plaindre chez nous. Le commandant de la police de roulage et sécurité routière avertit également que les premiers permis biométriques octroyés aux transporteurs en commun arrivent bientôt à terme car leur validité est de 3 ans et qu'ils doivent être renouvelés à temps. Suivez encore une fois au PSA 1, Roger Banguiguira, c'est le commandant de la police de roulage et sécurité routière. Les permis biométriques ont été délivrés à partir du 15 juillet 2016. Et comme l'article 182 du Code de la sécurité routière l'indique, certains véhicules, certaines catégories de permis ont une validité de 3 ans. Ici, je parlais des transporteurs en commun, d'autres une validité de 5 ans. Alors, le message concerne surtout ceux dont le permis est en passe d'expiration, qui consiste à les rappeler qu'il est temps à devenir et procéder au renouvellement de leur permis. Parce que au-delà des 3 ans, on considérera qu'ils se sont rendus coupables de conduite sans permis et l'infraction est passible d'une amende de 10 000 francs. Préparer l'équipe nationale à temps, c'est l'une des leçons que le sélectionneur des Inhamba Mrugamba qui vient de participer à la CAN en Égypte a pu tirer. Olivier Nyongeko explique que le fait que sa sélection n'a marqué aucun but lors des 3 matchs qu'elle a livrés est dû au manque d'expérience des attaquants. Suivez Olivier Nyongeko dans la traduction d'Evariste Nzikobanyana. Ego isomo ahanini ningene dutegura imigwi yacu nk'ubu tuvuye mu nama yo gutegura imigwi mito mito uravya ama equipe yose arikashika kure. La leçon tirée, c'est la façon dont on prépare nos équipes. Nous venons de la réunion pour préparer les petites équipes. Le constat est que les sélections qui arrivent loin n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça fait déjà 10 ans qu'ils sont à l'œuvre. C'est un long trajet. Bientôt, on commence la compétition des équipes nationales des locaux d'Ishan. Ça demande beaucoup de moyens, la concentration du joueur. C'est le professionnalisme qui demande beaucoup de moyens. Le joueur doit bien récupérer après entraînement. Les autres équipes nationales ont le staff de 20 personnes, tandis que nous ne sommes qu'à 3 ou à 4. Ça demande vraiment beaucoup de moyens. À ceux-là qui pensent que les Inhamba ont démérité, en ne marquant aucun but en Égypte, je leur dirais que non. Nous nous sommes qualifiés et l'on devrait avoir du temps suffisant pour se préparer. L'équipe a vraiment essayé, mais elle n'a pas pu marquer. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans la chronique sport ce lundi, nous vous parlons du golf. Ce sport a été créé au XVIe siècle en Écosse par de jeunes fermiers écossais qui gardaient leurs vaches. Le président des clubs de golf en mairie de Bujumbura, Serge Mouheto, fait savoir que cette discipline est praticable sur un terrain de 120 à 500 mètres de longueur. La chronique sportive d'aujourd'hui est signée Isne Bariko. Le golf est un sport physique et pratiqué dans un endroit bien entretenu. Selon Serge Moyeto, président des clubs de golf de Bujumbura, cette discipline trouve son origine en Écosse. Le sport de golf est un sport qui est pratiqué en plein air dans un terrain. C'est un sport physique. Pour beaucoup, c'est aussi un sport reposant parce qu'il est pratiqué dans un endroit bien entretenu. Oui, ça repose, disons. Ce sport a été créé entre le 16e et le 17e siècle. C'était en Écosse. Et quelles sont les raisons qui ont poussé les fondateurs à créer cette discipline? En fait, comme chaque sport, ce n'est pas des gens qui se sont mis ensemble qui ont dit on va créer. C'est venu naturellement. C'était des jeunes fermiers écossais qui jouaient en gardant les vaches. En Écosse, il y a des terrains tout plats avec un très bon gazon. Alors, les jeunes qui étaient en train de garder les vaches se sont mis à taper avec leur bâton des balles en essayant de les mettre dans des trous. Et c'est là où est né ce sport. Après, bien sûr, il s'est développé et c'est devenu un sport bien organisé. Le principe du sport de golf, c'est de jouer en essayant de mettre une balle de golf dans des trous. C'est de le faire avec le moins de coups possible. Donc, tu frappes cette balle, tu la fais avancer jusqu'à ce que tu la mettes dans un trou. Et les trous ont parfois une distance de entre 500 et... Le golf diffère des autres disciplines. Il peut être pratiqué individuellement, selon toujours le président des clubs de golf de Bujumbura. Généralement, le golf est un jeu individuel. C'est-à-dire que le joueur joue seul et contre le terrain. Ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de ne pas comme au football, vous avez une seule balle et vous avez une équipe de 11 contre 11 qui se battent pour la même balle et c'est en essayant de marquer un but de l'autre côté. C'est pas la même chose pour le golf. Tu joues seul avec ta balle et tu essaies de la mettre dans un trou avec le moins de coups possible et tu le fais 18 fois. C'est un sport où tu joues vraiment contre toi-même. À la fin, c'est là où tu te rends compte si tu as mieux joué contre les autres ou tu les as battus. Divers outils et équipements sont exigés dans des compétitions du golf, explique Serge Mouhetou. On les appelle les clubs. Ce sont des clubs, ils sont au nombre de 14. Ils se trouvent dans un sac de golf. Il y a aussi des balles de golf, d'autres petits équipements, mais l'essentiel c'est surtout les clubs et la balle. On prend plusieurs balles parce que parfois on perd cette balle-là. Dans la prochaine chronique sportive, on reviendra sur l'organisation, le marquage et le comptage des points de cette discipline de golf. Merci Isne Hebariko. En bref, en actualité internationale pour boucler ce journal, la Cour pénale internationale rend son verdict contre Bosco Ntaganda ce lundi 8 juillet. Les juges doivent dire si l'ex-chef de guerre est coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 en Ituri, dans l'est de la RDC. L'acte d'accusation ne couvre qu'une infime partie des 25 ans de carrière du milicien, même si le procès n'a fait qu'effleurer ses soutiens rwandais ou s'il a fait l'impasse sur les derniers combats de Bosco Ntaganda au sein du MV3, la dernière milice qu'il a commandée quand il régnait en seigneur de guerre sur le Nord Kivu. La peine ne sera prononcée avant plusieurs mois, mais l'ex-milicien risque jusqu'à 30 ans de prison. Et une plaque a été dévoilée à Niamey. La ZLEC entre officiellement dans sa phase opérationnelle. La zone de libre-échange économique continentale a été mise sur les rails ce dimanche soir dans la capitale nigérienne à l'occasion d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine. 32 chefs d'État ont fait le déplacement pour la naissance de ce marché commun africain. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eric Ouimana. Un bon après-midi.